Leçon 5. Page 42. Activités 2 et 3. Piste 34. Regarde, il y a une grande table. Sur la table, il y a un dictionnaire et des bandes dessinées. Tu aimes les bandes dessinées ? Oui, les Schtroumpfs. C'est intéressant. Et Lucky Luke ? Ça, je n'aime pas. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas les cow-boys.